l'essence, l'expression de Dieu. Quand Dieu se fait chair, il accomplira l'œuvre à lui confiée. Pour exprimer ce qu'il est, apporter la vérité, leur donner la vie, montrer le chemin. Toute chair qui n'a pas son essence n'est sûrement pas Dieu. Par son tempérament, ses mots et œuvres, fixe-toi sur son essence et non sur son apparence. C'est ignorant et naïf que de se fixer sur l'apparence de Dieu. L'extérieur ne détermine pas l'intérieur. L'œuvre son apparition ne répète.